Zacharie chapitre 10. Demandez de la pluie à l'Éternel, au temps de la pluie de la dernière saison, et l'Éternel fera des éclairs, et vous donnera une pluie abondante, et à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphim ont dit fausseté, et les devins ont vu le mensonge, ils ont proféré des songes vains, et ont donné des consolations vaines, c'est pourquoi on s'en est allé comme des brebis, et on a été abattus, parce qu'il n'y avait point de pasteur. Ma colère s'est embrasée contre ces pasteurs-là, et j'ai puni ces boucs, mais l'Éternel des armées a fait la revue de son troupeau, savoir, de la maison de Juda, et il les a rangés en bataille comme son cheval d'honneur. De lui est l'encoignure, de lui est le clou, de lui est l'arc de bataille, et pareillement de lui sortira tout exacteur. Mais ils seront comme des vaillants hommes, qui foulent la boue des chemins dans la bataille, et ils combattront, parce que l'Éternel sera avec eux, et les gens de cheval seront confus. Car je renforcerai la maison de Juda, et je préserverai la maison de Joseph, et je les ramènerai, et les ferai habiter en repos, parce que j'aurai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais point rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Et ceux d'Éphraïm seront comme un vaillant homme, et leur cœur se réjouira comme par le vin, et ses fils le verront, et se réjouiront, leur cœur s'égayera en l'Éternel. Je leur sifflerai, et je les rassemblerai, parce que je les aurai rachetés, et ils seront multipliés comme ils l'ont été auparavant. Et après que je les aurai semés entre les peuples, ils se souviendront de moi dans les pays éloignés, et ils vivront avec leurs fils, et retourneront. Ainsi je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai d'Assyrie, je les ferai venir au pays de Galaa, et au Liban, et il n'y aura point assez d'espace pour eux. Et la détresse passera par la mer, et il y frappera des flots, et toutes les profondeurs du fleuve seront taries, et l'orgueil de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre d'Égypte sera ôté. Et je les renforcerai en l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel.